Cette nuit sur des fils, on a sorti les couteaux et trippé les gosses débiles à la manière de galop. Des bonbons gourissines à côté de la sonnette, sur un cadavre j'urine en visant bien la tête. Ouais, j'ai ramené des bottes comme Jason et Freddy pour arracher la glotte de gamins durant la nuit. Nous on n'a pas déguisement, c'est notre tenue de travail. On va buter des enfants, bien que je te raconte les détails. Je serais bien de pas oublier, juste avant que je cause votre mort, que le dog boucher est le roi de l'aurore corps. Je suis un seigneur et toi t'es saigné. L'opération du docteur a pour but de te crever. Je suis le corbeau aux ailes de chauve-souris, dormant dans les caveaux et massacrant la nuit. Respecté par mes pères, je serai bientôt craint. Je me noie dans les viscères comme un n'importe du malin. Je t'injecte dans les veines des bouts de verre pilé, mélangés au détergent. J'adore t'entendre hurler des bonbons ou un sort, et tu sors pas vivant. Perds ta vie dans le vent, ce que je vends c'est ta mort. J'ai qu'une corde à mon arc, mais 5 à ma basse, comme le projet monarque. Je manipule la masse dans ton verre du LSD, dans mes oreilles LSP, un hachoir pour dépecer. On fait ça toute la soirée. Je suis comme un loup ou un chien enragé. Les gens parlent de nous sans qu'on sache qui c'est. C'est vrai que j'ai toujours les grosses ethnies, c'est la mienne. Le sang me rend accro, pour lui je me déchaîne. J'ai planté le scalpel au fond de ta trachée, tes tripes dans une poubelle, même pas besoin de trier. Je suis craint comme le chacal, fais gaffe ou je te file la rage. Je fais une musique illégale, j'ai le rap anthropophage. Je mets tes os dans un mixeur, ta cervelle sur le trottoir. C'est le retour du docteur quand dans la ville il fait noir. Il n'a pas oublié ton profond manque de respect. Il profitera de cette nuit pour venir te dévorer. Équipé d'un pied de biche, il rentre par effraction. Tu n'es plus en sécurité, canassé dans ta maison. Le chien garde n'aura même pas le temps de fuir. Rapidement on le poignarde, tu l'entendras gémir. On est fiers de notre travail, pour nous c'est un plaisir de mettre à jour tes entrailles et laisser le corps pourrir. Faites le mal mais faites le bien, un cannibale dans des chiens.